Dans la salle à manger. Oh, good morning. Monsieur Wickham, bonjour. Sorry I've been so long. Oh, de rien. You look happy. Oh oui, les croissants ici sont délicieux. Bonjour, monsieur. C'est pour le petit déjeuner? Tout à fait, oui. Il est client de l'hôtel. Votre numéro de chambre, s'il vous plaît. I'm sorry? She wants your room number. Oh, right. Here's my key. 34. 34. Merci, monsieur. Voulez-vous du thé ou du café? Do you want a tea or coffee? A tea, please. Du thé, s'il vous plaît. Du thé, oui, monsieur. Et pour vous, madame, encore du café? Oh, oui, s'il vous plaît. Encore du café. Oui, madame, tout de suite. Et voilà, monsieur. Servez-vous au buffet. Il y a du jus d'orange, de pommes ou de pamplemousse, des céréales, des croissants, des brioches, du pain, du beurre, du fromage et de la confiture. Oh, right. Thank you. Merci. Oui, monsieur. Of course, I didn't understand a word. c'est difficile. Je ne comprends pas. Ah, bravo. But of course. But soon you will understand. You think so? Bien sûr. Allez au buffet et prenez take whatever you like. Par exemple, du jus de fruits, un croissant et du beurre et de la confiture et I explain. D'accord? D'accord, ok? Yes, d'accord.